Conditionné par cette société, de lever, travailler, manger, te coucher. Est-ce donc la vie dont tu as rêvé, l'avenir à côté, lui n'est pas certain. Allez, allez, ressortez la peine. Allez, allez, sortez les canettes. Allez, allez, reprends dans la tête. Ils nous l'apprennent assez. Tu travailles toute ta vie, tu te faut bosser, mais tu pourras même pas. Et pour ça, la vie se n'est pas un compte de paix. Ils sont encore augmentés, assécher. Allez, allez, ce soir c'est la peine. Allez, allez, sortez les carnets. Allez, allez, le prends dans la tête. Ils nous l'apprennent assez. Allez, allez, ce soir c'est la peine. Allez, allez, sortez les canettes. Allez, allez, ne prends pas la tête. Allez, allez, ce soir c'est la fête. Allez, allez, sortez les canettes. Allez, allez, ne prends pas la tête. Ils nous l'apprennent assez. Faut pas trop rêver, ce sont pas les gens qui vont te la payer. Ne trouve pas sur pour nous, tout ça c'est foutu. L'improvance dans la caisse de la sécu. Allez, allez, ce soir c'est la fête. Allez, allez, sortez les canettes. Allez, allez, ne prends pas la tête. Ils nous l'apprennent assez. Allez, allez, sortez les canettes. Allez, allez, ne prends pas la tête.